François Morel, c'est à vous. Il est faux de dire que les écrits restent quand les paroles s'envolent, car figurez-vous que les paroles restent, plus persistantes parfois que les écrits. Les paroles subsistent, demeurent, s'incrustent et traversent les années, les décennies, l'éternité quand elles sont chantées par Johnny Hallyday. Car tout a commencé par une chanson de Johnny. La chanson s'appelle « Les chiens de paille ». Je précise que ce n'est pas une chanson cocasse du tout. C'est pas du comique troupier, de la chanson de Tourlourou. Non, ce n'est pas une pochade, une levrette destinée à provoquer la rigolade. En aucun cas. L'auteur du texte est Gilles Thibault et sa référence ce jour-là n'était ni Annie Cordy, ni Henri Salvador, ni Bobby Lapointe, ni Didier Super, qui d'ailleurs en 1976 n'avait que 3 ans. C'est une chanson qui parle d'un viol et d'un désir de vengeance. Autant dire, c'est du lourd, du chargé, de l'accablant, de l'écrasant. Mais écoutez plutôt. Elle était seule dans la maison, c'était fin août, début juillet. C'était fin août, début juillet, lorsqu'Alistair, qui n'est autre que l'auteur de Anthologie des bourdes et autres curiosités de la chanson française, qui, dès le 12 octobre, sortira dans les meilleures librairies et même les autres, lorsqu'Alistair, dis-je, a entendu ces paroles, son sang n'a fait qu'un tour. Oui, son sang d'amateur éclairé de la chanson n'a fait qu'un tour sur le tourne-disque intérieur de sa passion pour la romance. Et surtout, il s'est interrogé comment, non seulement, on peut écrire une connerie pareille, mais surtout, comment on peut la laisser passer quand on est chanteur, directeur artistique, ingénieur du son, attaché de presse ou n'importe qui écoutant cette chanson avant son pressage en 45 puis en 33 tours. Comment tout mettre de son côté pour faire en sorte qu'une chanson pas drôle du tout devienne une chanson risible ? Le mystère est entier, plus profond que le déplacement des statues de l'île de Pâques. Sauf si bien sûr on se dit, attends, les mecs dans les studios, ils buvaient pas que de la Contrex, ils fumaient pas que de la moquette. Oui, d'accord, mais alors, quand même. Sauf si on se dit, attends, Johnny, c'est le spécialiste des bourdes, l'auteur de la phrase, il faut remettre les pendules à leur place. Le concepteur de l'imparable réflexion prononcée sur le Paris-Dakar, si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Oui, oui, d'accord, mais enfin, quand même. D'autant qu'il serait injuste de ne désigner Johnny comme le seul auteur des bourdes, puisque même Brassens a fait des fautes d'accord et de liaison, puisque même Mouloudji a utilisé fautivement la locution « malgré que », puisque même Alain Souchon, Laurent Voulzy, Renaud, Yves Duteil se sont trompés de genre pour les mots planisphère, décalcomanie, espèce, effluve, car on ne dit pas une planisphère, un décalcomanie, un espèce, une effluve, mais un planisphère, une décalcomanie, une espèce, un effluve. Ne vous déplaise, messieurs, Souchon, Voulzy, Renaud, Duteil. En fait, tout ça pour vous dire qu'on s'amuse beaucoup en lisant Anthologie des bourdes et autres curiosités de la chanson française d'Alistair, qui paraît aux éditions Le Tango, qui vous propose de gagner un exemplaire de l'ouvrage si vous remarquez une erreur dans le livre. J'en signale 2. Tango est un mot masculin et comporte un A et aucun E. Merci de me faire parvenir 2 exemplaires rapidement. Noël approche. Le message est transmis. Merci François Morel et merci aux équipes de France Bleu Gard-Lozère pour ce duplex. France Inter.